Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 45. De quelle manière les créatures procèdent la cause première? Qu'est-ce que crée? Qui peut créer? Objet de la création, vestige de la Trinité dans l'univers. 1. Créer, est-ce faire quelque chose de rien? Sur ce passage de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, la glose dit, créer, c'est faire une chose de rien. La glose est attribuée à saint Augustin. On appelle création la production de tout un être par la cause universelle, qui est Dieu. Or, de même que l'être particulier qui émane d'une cause particulière n'existe pas avant son émanation, un être qui est produit tout entier par la cause première devient pareillement être de non-être qu'il était. Et comme le mot rien est synonyme de non-être, on doit dire que, créer, c'est faire quelque chose de rien, pour marquer un ordre de succession, dont le point de départ est le néant. Note. Cette locution faire de rien peut encore équivaloir à ne pas faire de quelque chose. Dans ces deux exceptions, elle s'applique à la création et exprime tout à la fois un ordre de succession et la négation de la cause matérielle. Fin de la note. 2. Dieu peut-il créer? Il est écrit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1. Dieu peut donc créer. Non seulement il n'est pas impossible que Dieu fasse quelque chose de rien, mais il est nécessaire de reconnaître que tout a été créé par lui. Quand l'homme fait une chose d'une autre, celle dont il se sert est antérieure à son action, il ne la produit pas, l'artisan tire ses ouvrages d'objets existants, tels que le bois, la pierre, l'airain, qui sont l'œuvre de la nature et non de son opération. Que dis-je? De la nature. La nature n'en produit que les formes, elle présuppose encore la matière existante. Si Dieu, de même, ne tirait les choses que d'un objet préexistant, comment serait-il l'auteur de tout ce qui existe? Nous avons prouvé, cependant, que l'univers ne renferme rien qui ne vienne de lui, comme de la cause universelle. Il faut donc reconnaître que non seulement il lui est possible de faire quelque chose de rien, mais que, dans le principe, il a tout créé. Note. L'axiome, rien ne se fait de rien, n'est applicable qu'à la région inférieure des causes particulières. Fin de la note. 3. La création est-elle quelque chose dans la créature? La création laisse dans l'être créé une relation qui l'unit au Créateur comme au principe de son existence. Note. La relation de Dieu à la créature est une relation de raison, mais celle de la créature à Dieu est très réelle, comme nous l'avons dit, question 23, 7. Prise passivement, la création est, dans la créature elle-même. Prise activement, elle est une action divine. Fin de la note. 4. La création a-t-elle pour objet spécial les êtres composés et subsistants en eux-mêmes? La création a pour objet spécial les êtres subsistants, simples ou composés, car être créé, c'est recevoir l'existence, et on ne dit existant que ce qui subsiste dans son être. Peu importe que ces choses soient simples, comme les esprits, ou composées, comme les substances matérielles. Note. Les formes, les modalités, les qualités accidentelles, qui font seulement exister leur sujet d'une manière plutôt que d'une autre, n'existant pas en elles-mêmes, sont concrets plutôt que créés, car, selon l'expression du philosophe, elles sont de l'être et non pas l'être. L'article 8e de cette question fera ressortir l'importance de ces vérités. Fin de la note. 5. Dieu seul peut-il créer? Ni les bons ni les mauvais anges, répond saint Augustin, ne peuvent créer. Combien donc les autres créatures en sont-elles plus incapables encore? Plus un effet général, plus la cause qu'il réclame doit être universelle, puissante et primordiale. Or, parmi tous les effets possibles, il n'en est pas de plus général que la production de l'existence des êtres. Il faut donc rapporter cet effet à la cause universelle et première, qui est Dieu même, de sorte que créer est l'action propre de la divinité. Le philosophe comprenait cette vérité, car nous lisons dans le livre des causes, « Nulle âme, nulle intelligence ne saurait donner l'être que par l'opération divine. » Note. La cause inférieure ne participe à l'action d'une cause supérieure qu'en tant que par une propriété quelconque qu'elle dispose à son effet, car, si elle n'opérait rien d'elle-même, on l'emploierait sans aucun avantage, et l'on n'aurait pas besoin de tel instrument pour produire tel effet. Pourquoi un ouvrier, par exemple, se sert-il d'une hache pour faire un marche-pied? C'est que la hache par son tranchant a la propriété de couper le bois. Or, la création, qui est l'effet propre de Dieu, produit précisément ce qui est avant tout dans les choses créées, savoir l'être même, et comme elle ne se fait pas sur une chose préexistante qui puisse être disposée par une cause instrumentale, aucun être ne peut servir d'instrument à la vertu créatrice, de sorte que nulle créature ne saurait créer ni par sa vertu propre, ni comme instrument, ni comme ministre de la divinité. Fin de la note. 6. Créer est-il le propre d'une personne divine? Saint Denis dit que la création est un acte commun à toute la divinité, et cela est vrai. Créer est proprement causer ou produire l'être des choses. Or, d'après le principe que l'agent produit quelque chose qui lui ressemble, on doit reconnaître la cause par l'effet. Créer convient donc à l'être même de Dieu, qui n'est autre que la nature commune aux trois personnes divines. Cela étant, la création n'est pas le propre d'une seule personne, elle appartient à toute la Trinité. Note. Quoi qu'il en soit, les personnes divines ont, dans la création des êtres, un mode de causalité correspondant à la procession, car, ainsi qu'on l'a vu, Dieu est la cause des choses par son intelligence et par sa volonté. Dieu le Père produit les créatures par son Verbe, qui est le Fils, et par son amour, qui est le Saint-Esprit. On l'appelle créateur parce qu'il ne tient pas d'un autre le pouvoir de créer, le Fils est nommé celui par qui tout a été fait, parce qu'il a le même pouvoir, qu'il tient du Père, le Saint-Esprit est dit souverain Seigneur, parce qu'il gouverne et vivifie les choses que le Père a créées par le Fils. Fin de la note. 7. Y a-t-il des vestiges de la Trinité dans les créatures? Les créatures douées d'intelligence et de volonté représentent la Trinité par forme d'image, car elles ont en elles un Verbe conçu et un amour procédant. Les autres créatures offrent des vestiges de la Trinité en ce que chacune d'elles subsiste en elle-même, présente une forme qui détermine son espèce, et renferme des rapports qui l'unissent à d'autres êtres. Comme existant en elle-même, chaque chose représente le Père, comme ayant une forme, elle offre le caractère du Fils, comme lié à d'autres, elle est une similitude du Saint-Esprit. Note. Nous croyons entrevoir dans la nature même une preuve physique de la Trinité. Elle est l'archétype de l'univers, ou si l'on veut sa divine charpente. Ne serait-il pas possible que la forme extérieure et matérielle participât de l'arche intérieure qui la soutient, de même que Platon représente les choses corporelles comme l'ombre des pensées de Dieu? Confère Chateaubriand, Génie du christianisme. Première partie, livre 1, chapitre 3, des mystères chrétiens, de la Trinité. 8. Y a-t-il création dans les œuvres de la nature et de l'art? Saint Augustin observe très bien qu'il faut distinguer la reproduction, qui est l'œuvre de la nature, de la création elle-même. Du moment que les œuvres de la nature et de l'art supposent une matière préexistante, elles ne sont pas de véritables créations. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.